Boyman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le ministère de l'Éducation nationale fixe à 34% et 70% les notes d'admission respectivement au palier poste fondamental de l'enseignement au Burundi et à l'école d'excellence. La majoration de la restauration journalière des élèves internes est une autre annonce faite au cours d'un point de presse ce jeudi. Les précisions du ministre François Habyarimana dès le début de ce journal. Et le premier ministre burundais appelle à la démission de tous les organes impliqués dans le recensement général de la population s'il advenait que cette opération n'ait pas lieu comme prévu en août 2024. Le président de la République a réuni les commerçants de sucre à travers tout le pays. C'était pour leur demander, entre autres, de se construire des usines de fabrication de ce produit. Entre-temps, des habitants de la commune Kayanza se plaignent des imperfections émaillant la distribution du sucre par les administratifs à la base. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 34%, c'est la note fixée par le ministère de l'Éducation nationale pour être admis à l'examen, pour être admis à l'enseignement post-fondamental. L'annonce faite par le ministre de l'Éducation dans un point de presse au jeudi. Le ministre François Habyarimana indique également que la note fixée pour l'école d'excellence est de 70%. Suivez-le. En tenant compte des places disponibles dans les premières années de l'enseignement post-fondamental et du budget disponible pour l'entretien des élèves internes, mais également après avis du Conseil des ministres, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieur ou égal à 68 sur 200, soit 34%. Le taux de réussite au concours national est donc de 85,76%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 10 512, soit en moyenne 88 élèves par commune ou 4 élèves par colline. Ces derniers peuvent se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou redoubler de classe si les places sont disponibles. L'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques, aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 116 sur 200, soit 58%. Nous soulignons en particulier que sur demande de la population, lors des descentes effectuées dans différentes provinces de notre pays, les élèves qui seront orientés dans la section langue avec une note d'au moins 58% auront droit à l'internat. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, les lauréats du concours national de la communauté Batois, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 68 sur 200 seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. L'admission dans les écoles d'excellence est fonction des places disponibles et est sujette au quota régional, provincial et ou communal pour les élèves ayant obtenu dans leur circonscription la note la plus élevée au concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental. Au total, 240 places sont disponibles en 7e année dans les écoles d'excellence à raison de 30 élèves par classe. Le quota alloué à chaque province doit être réparti dans toutes les communes de cette province pour plus d'équité. Cependant, pour garantir la qualité, nous avons fixé une note d'excellence en dessous de laquelle le candidat ne peut pas être orienté dans une école d'excellence. C'est la note de 70%. Le ministre François Habyarimana, dont les propos ont été recueillis par Sheila Irambona, il a ajouté que les frais prévus par le ministère concernant la restauration pour élèves internes vont être augmentés pour la prochaine rentrée. Elle va être rehaussée jusqu'à 1 400 francs burundais au lieu de 900 francs par jour. Et le chef de l'État burundais demande aux commerçants de sucre de se mettre ensemble pour construire leur usine de fabrication du sucre et de vendre équitablement ce produit sans aucune forme de détournement ou tricherie. Il invite l'administration à contribuer pour y parvenir. À la société sucrière du Mosso, la Sosumo, il demande de traiter toutes les cannes à sucre au lieu d'en traiter une partie lors de la campagne sucrière. Il a tenu ses propos ce jeudi à Gitega lors d'une réunion qu'il a organisée à l'intention des commerçants du sucre venus de tout le pays. Gérard Nibigira. Pendant cette réunion organisée à l'intention des commerçants grossistes et des sucres venus de tout le pays, le président de la République leur a invité à songer à faire et construire leur propre usine de sucre, ici chacun d'eux apportant sa contribution jusqu'à collecter les fonds suffisants pour la construction d'une telle infrastructure. En outre, il les a appelés à faire la commercialisation des sucres dans la transparence totale, dépourvue de toutes sortes de spéculations possibles, comme stocker le sucre dans leur dépôt afin de le revendre plus tard à des prix exorbitants ou du moins le vendre à l'extérieur du pays. C'est ainsi qu'il a promis que désormais, il va poursuivre et mener un combat contre tout commerçant qui se montrera en train de continuer à exercer le commerce du sucre d'une façon louche et contraire à la loi sur le commerce de son produit. Il a saisi cette occasion pour inviter l'administration à tous les niveaux à aider dans la réussite du commerce du sucre équitable et respectant le règlement en vigueur dans ce domaine. Il a donné un contre-exemple du gouverneur Ndongozi qui, au mois de juillet dernier, a été reproché d'avoir distribué par clientélisme 15 tonnes de sucre affectées à cette province à 3 commerçants grossistes du sucre sur 64 existants en province Ngozi. Et ces 15 tonnes ont été distribuées dans la seule ville d'Ngozi au détriment de communes composant cette province. Enfin, le président de la République a demandé à la société sucrière de Mosso Sosumo de traiter pendant la campagne sucrière toutes les cannes à sucre situées dans ces champs au lieu de ne traiter qu'une seule partie des cannes à sucre comme il en était l'habitude suite à l'incapacité des machines de la Sosumo. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Le sucre, il en est également question en commune Kayanza où certains habitants se plaignent des imperfections qui caractérisaient la distribution de ce produit par les administratifs à la base. Véniste Ndouimana, conseiller du gouverneur en charge du développement, demande aux administrateurs communaux d'encadrer cette activité et punir les administratifs au niveau des collines et des quartiers qui se rendront coupables de ces irrégularités. Patrick Nsengiyumva. Il y a plus d'un mois que l'administration provinciale Kayanza avait pris la décision que le sucre soit distribué au niveau des collines et des quartiers. Rémi Tisha, le gouverneur de la province Kayanza, a indiqué que cette décision a été prise dans l'optique de faciliter la tâche aux commerçants pour ne pas exercer leurs activités commerciales avec le risque d'enregistrer des pertes et à la population de lui permettre de trouver facilement son produit. Le gouverneur de la province Kayanza demande aux distributeurs de ce produit à des collines et dans des quartiers de respecter scrupuleusement le prix d'un kilogramme de sucre fixé par le gouvernement burundais. Toutefois, la population à Kayanza, surtout les habitants de la commune Kayanza, grogne que la distribution du sucre au niveau des collines et dans des quartiers ne se fait pas dans la transparence. Parmi les imperfections qui caractérisent cette activité, il donne l'exemple de la quantité du sucre payé qui est différente à celle qu'ils reçoivent. Ils font savoir que lorsqu'on paie par exemple un kilogramme du sucre, on ne reçoit que 750 grammes. Les habitants à Kayanza demandent au gouvernement du Burundi et à la société sucrière de Mosso de trouver solution au problème de la pénurie du sucre. Et quant aux grognes des uns et des autres parmi la population à Kayanza qui accuse certains administratifs à la base de ne pas bien faire le travail de la distribution du sucre, Véniste Ndouimana, le conseiller du gouverneur en province Kayanza en charge du développement, exhorte les administrateurs communaux de bien vouloir encadrer cette activité de la distribution du sucre et de punir les administratifs à la base qui seront accusés de sabotage de cette même activité. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et le Premier ministre burundais met en garde les autorités administratives qui négligeront l'opération de recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Lors du lancement officiel des activités des organes de ce recensement à Gitega, Gervain Ndirakobucha a estimé qu'il n'y a plus de prétexte qui pourrait empêcher la conduite du dénombrement principal en août 2024. À défaut, il appelle à la démission tous les organes impliqués dans cette opération. Suivez-le, il est traduit en français par Jean de Dieu Irakotse. Kutwaye twigira inama ko dukora muri uyu mwaka muri uko 8 nyene turangiza uno munsi tukaba rero On avait fixé le dénombrement principal ce mois qui touche à sa fin, mais comme on s'est relevé et qu'on a arrêté un calendrier à vulgariser dans les communes, j'appelle à toute personne ici présente à faire sienne cette opération, qu'il n'y ait plus à notre prétexte qui pourrait nous empêcher de faire ce travail en août prochain. Si cela n'est pas le cas, nous allons présenter notre démission car les données issues de cette opération seront utilisées pour les scrutins prochains de 2025. Je crois que ce ne serait pas démissionner tout simplement car dans de tels cas, nous serions coupables de la haute trahison. À tout participant ici présent et concerné par cette opération, le dénombrement principal doit avoir lieu au mois d'août 2024. C'est le délai définitif, peu importe la situation qui pourrait surgir. Cette opération est une tâche supplémentaire par rapport à nos obligations administratives, mais il va démettre plusieurs administratifs qui la prendront à la légère. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Les frais s'élevant à $500 américains exigés aux enquêteurs pour avoir un avis d'éthique constituent un frein à la collecte des données statistiques. Présentant les résultats de l'étude effectuée sur le visa statistique au Burundi ce jeudi, le professeur et chercheur Gilbert Niyongabo trouve que le retard d'octroi de ce visa fait que ces données ne soient pas disponibles dans les meilleurs délais, ce qui traîne la mise en application des projets. Faute de données chiffrées, on l'écoute. Le visa statistique, c'est une autorisation qui est donnée par l'autorité compétente pour collecter les données en rapport avec les enquêtes et les recherches qui suivent des normes des méthodes internationales. Alors, le retard, il a plus ou moins deux conséquences qui sont très nuisibles. La première, c'est que ce retard peut, par exemple, pouvait produire des résultats et vous allez constater que le phénomène que vous avez étudié, il a complètement disparu. Je vais vous donner un exemple, même si c'est le ministère de la Santé. Par exemple, prenez le Covid. Si vous faites une étude sur la vaccination contre le Covid et puis, avec toutes les procédures, la vie d'éthique, le visa statistiques, vous allez constater que vous allez produire le rapport 6 mois après, en même temps le Covid a disparu. Donc vous allez produire des résultats qui n'ont pas vraiment d'impact en termes de recommandations ou bien de recommandations politiques. Et puis la deuxième chose, si c'est un projet, alors comment est-ce que vous allez avoir un financement? Si c'est dans une étude que vous faites dans le cadre d'un projet, comment est-ce que vous allez justifier que par exemple, on a besoin de tant de fonds pour aller pour les étapes suivantes? Alors il faut savoir que les données d'enquête suivent et sont nécessaires pour le processus de planification, budgétisation, suivi, évaluation et ça c'est très nécessaire. Donc c'est très important d'avoir des données fiables, de les protéger aussi, mais aussi c'est très important d'avoir des procédures allégées pour aller plus rapidement et avoir des impacts qui sont en temps réel exécutables. Nous avons recommandé qu'il puisse y avoir des données statistiques administratives régulières au niveau de toutes les entités. Nous avons recommandé qu'il puisse y avoir une unité statistique dans chaque commune et que les données qui doivent être produites peuvent aller soit en sous-portail communal, mais qui dépendent de l'INESBU, mais aussi ces données doivent être validées. Parce que s'il y a vraiment un retard, c'est-à-dire vous imaginez pour la nouvelle vie pays émergents, pays développés. Si on n'a pas les données, on va dire régulières, comment est-ce qu'à chaque période, on va se remettre en question? Si vous n'avez pas de données régulières qui sont collectées pour donner des informations par rapport à accès, par exemple, à l'électricité, accès à l'eau potable, assainissement, accès aux routes bitumées, comment est-ce que vous allez savoir si chaque année, vous allez mettre autant de montants pour atteindre cet objectif? Donc, ce sera très difficile. Le professeur Gilbert Niyongao. Quatre femmes de la colline Buramatan, commune Gihanga de la province Bouanza, sont détenues au cachot du commissariat communal de police de Gihanga. Et cela depuis ce mercredi. Elles sont accusées d'avoir jeté des pierres aux policiers qui protégeaient un présumé sorcier et d'avoir cassé la vitre du véhicule de la police dans des échauffourées. Les autorités policières et administratives appellent la population au calme et à éviter des règlements de compte. Spes Caritas Kavanyana. Ces échauffourées ont été orchestrées par une équipe de 4 femmes qui ont jeté des pierres au véhicule de la police. Selon les témoins sur place, c'était ce mercredi sur la colline Buramata au village 1 de la commune Gihanga. Tout a commencé dans la nuit de mardi selon les administratifs à la base qui précisent qu'un homme accusé de sorcellerie a failli être lynché par la population en colère. Il a été vite évacué sur une position policière de la place. Le lendemain, ce mercredi matin, les habitants de cette colline étaient nombreux autour de la position policière demandant à l'accusé pour un règlement de compte. D'autres policiers messieurs venus de Guianga sont arrivés et quand ils ont pris cet homme pour le protéger, le véhicule et les policiers ont essuyé des jets de pierres. Quatre femmes accusées d'avoir jeté ces pierres aux policiers ont été attrapées et sont détenues pour le moment au cachot du commissariat communal de Guianga au niveau de la police. On précise que les enquêtes continuent et les autorités administratives mettent en garde toutes les personnes qui voudront se faire justice. Merci, Spes. Le gouvernement burundais devrait mettre en avant des préalables nécessitant l'intervention des secteurs comme l'électricité, l'eau, les routes, les parkings avant de penser à construire des bâtiments modernes, en commençant par la commune urbaine de Mukaza. C'est du moins l'analyse de Godofroy Akizimana qui a occupé de hautes fonctions dans l'appareil étatique burundais comme celui de ministre en charge de l'artisanat et des métiers. Il indique que pour réussir ce pari, il faut avoir de l'eau et de l'énergie suffisante. Suivez Godofroy Akizimana au micro d'Evariste Nzikobanyanga. La zone de Mukaza, c'est comme le quartier de Manhattan au niveau de la ville de New York. Le quartier de Manhattan, c'est le quartier le plus huppé de New York où vous y trouvez des buildings jusqu'à 120 niveaux, alors que dans d'autres quartiers comme Queens, vous y trouvez des maisons à niveau, deux niveaux. Donc, aller investir dans Mukaza suppose avoir beaucoup de moyens et avoir aussi fait des plans sectoriels et relatifs, des plans notamment liés au phasage du développement de cette zone. Développer Mukaza suppose avoir fait des études macroéconomiques liées à l'évolution de la vie de l'homme. Ici, si vous voyez la zone Mukaza, c'est une zone où tout le monde, toute la population de Bujumbura se rencontre pour aller au travail, pour aller commercer, pour prendre le transport, parce que c'est le centre-ville, c'est le départ de toutes les routes nationales, donc c'est le départ de toutes les personnes qui voyagent à travers le pays. Ainsi donc, personnellement, pour développer Mukaza, il faut des phases. Moi, j'ai estimé qu'il doit y avoir au moins trois phases. La première phase concernerait le développement des infrastructures, les infrastructures de transport, les infrastructures de distribution de l'énergie électrique, de l'eau potable. Comme les gens aujourd'hui ne marchent plus à pied et que vous voyez qu'il y a beaucoup d'embouteillages au niveau du centre-ville, donc de la zone Mukaza, il faut aussi prévoir des zones de parking, pas le long de route. Des zones de parking en dehors, dans des bâtiments appropriés pour ça. Dans d'autres villes, telles que Dar-es-Salaam, Nairobi, Addis Abeba, il y a des buildings où vous trouvez qu'il peut y avoir un parking de plus de 500 véhicules. Donc, pour développer Mukaza, il faut d'abord, au niveau des infrastructures de transport, il faut améliorer les routes, notamment les routes qui vont vers le sud, telles que le centre-ville Kanyosha-Ruziba, centre-ville Musaga, centre-ville Charama, centre-ville Gatumba, ainsi de suite. Et ces routes doivent être construites en respectant les normes internationales. Il doit y avoir des bandes pour les automobiles, il doit y avoir des bandes aussi pour les piétons. Donc, au niveau de ces bandes de piétons qu'on devrait installer, les lignes de distribution électrique et les lignes de distribution d'eau potable, parce que demander aux gens d'aller construire à hauteur, alors que le réseau de distribution électrique et d'eau potable n'est pas encore amélioré, parce que dans de la période coloniale, ça serait en même temps détériorer la ville, parce que après ces constructions, la rigidité est toujours là pour casser, pour enlever les dalles, pour enlever les pavés, ce qui fait que ce sont des préalables pour que effectivement la zone Mukaza soit un miroir du développement du Burundi. C'était l'ancien ministre Godefroy Hakizimana. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.